Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, alors bon, Dis-le. On le dit tout de suite. Il y a eu un petit bug au tout début de l'émission que vous allez entendre. Alors vous n'allez pas remarquer, c'est juste ça a bugué au début. Donc l'introduction des deux invités qui sont Louis Garrel et Noémie Merlan. Applaudissements. Bravo. Bon, ça a sauté et on a perdu un tout petit peu. En gros, on a perdu 5 minutes, hein. Mais on a perdu un tout petit peu le début de l'émission où Louis Garrel nous disait quand même. Qu'il a fait partie d'une sorte de gang de 20 personnes qui faisaient du roller quad dans Paris, rue des Martyrs. Il s'accrochait au bus. Bon, c'est. Bon, voilà. On est désolé d'avoir perdu ça. Voilà. Mais quand même, petit podcast d'une heure. Noémie Merlan, elle vient nous parler des Femmes au balcon, son film qui sort le 11 décembre. Louis Garrel, ce même 11 décembre, il sort Saint-Ex, qui n'est pas le biopic de Tex l'animateur. Je la refais, Adrien. Toi, tu l'as déjà entendu. Oui, je la refais, je l'aimais bien. Voilà. Bon podcast à tous et puis kiffez bien. Salut. Une récente étude publiée dans la revue Science Advance a créé la surprise. Selon les recherches de scientifiques de l'Institut Weizmann des sciences, il y a un point commun physique entre les gens qui partagent une forte amitié. Je vous demande laquelle. Attends, un point commun physique. Physique. Entre corporel. Genre deux potes. En fait, enfin, l'amitié se serait créée. On pense que c'est par les goûts, par les discussions, par machin, mais apparemment des scientifiques. Alors certains, vous allez voir dans l'article, des gens disent c'est de la connerie, mais il y a un moi, truc physique. Je sens que c'est de la connerie déjà juste. C'est toi le scientifique qui donne son avis. Ouais, certains pensent qu'il y a un truc physique ou corporel qui pourrait créer de l'amitié de base, quoi, comme chez les animaux en fait. L'odeur. Wow. Très bonne réponse de Noémie Merlan. Nous pourrions la détecter dès les premières secondes en présence de nos congénères. Ce qui se passerait serait ensuite un coup de foudre amical, d'après la chercheuse Camille Ferdenzi, chercheuse en neurosciences au CNRS. Nous aurions donc, comme les animaux, un sens développé de l'odorat inconscient qui permettrait de reconnaître les odeurs corporelles des autres individus et partagerions des composés de molécules d'odeurs semblables si l'on est amis. Mais ça, au niveau, c'est un peu un truc hormonal et tout. Enfin, c'est un peu. Enfin, moi, ça me paraît pas paquet, complètement hein. Farfelu, quoi. Je sais pas. Comment ils ont fait, à ton avis? En revanche, c'est les chercheurs ont analysé les odeurs de 20 amis. Donc, c'est pas sur 2 milliards de personnes, hein, 20 amis. 20 oui, ouais. Très... Sans lien amoureux, ils se sont servis d'un nez électronique, appareil qui a. Quoi ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Inspecteur Gadget qui a fait l'enquête. Peut-être en fait. Un petit peu. Appareil qui analyse les senteurs pour échantillonner les odeurs corporelles de ces 20 personnes. 24 individus spécialement recrutés pour l'occasion ont également reniflé les flagrances recueillies afin d'offrir une double analyse humaine et électronique. Donc tu vois, c'est pro quand même. C'est tu pro. Vois, tu te moques un 20 peu. Personnes, c'est carré déjà. Le résultat était concluant. Les analyses du nez électronique, tout comme celles de ces 24 nez humains, permettent de mettre en avant que les émanations corporelles des personnes présentées comme amies sont plus similaires que les odeurs de duo d'individus sans lien d'amitié. Mais attends, les gens ils sentaient, ils disaient ah, j'aimerais bien être ami avec cette odeur. C'était ça le. Non, le c'est test de dire que les gens qui sont potes ont un peu la même odeur. De base. Putain, j'espère pas. mais selon Xavier Fernandez, chercheur à l'Institut de Chimie de Nice, il faut relativiser parce que cette étude est intéressante, mais certains paramètres sont laissés de côté. Les chercheurs affirment que les individus sont, dont on a analysé les odeurs ne devaient pas manger de choses trop odorantes avant, donc de l'ail ou des trucs comme ça, okay. Ni porter de déo pour avoir une flagrance la plus naturelle possible. Normal. Cependant, celle-ci est neutralisée par les odeurs de lessive, de parfum, de produits cosmétiques, donc de produits que nous utilisons tous les jours. Ah, ils étaient pas à poil les gens. Non, ah non, mais bah, en vrai, si tu veux bah, faire bien, non. Tu vois. Ouais. Bah, t'es pas toujours à poil avec tes amis non plus, quoi. Bah, c'est vrai. Enfin, non, mais si tu veux. Pas toujours. Hein, pas toujours. Pas toujours. Là, il se trouve qu'on est à poil, mais d'habitude. C'est d'ailleurs un point commun qu'il y a entre vos deux films. C'est des histoires d'amitié. T'as le soleil en plein gueule. Oui, j'allais dire. Désolé, ça te va ou... Mais je vais te dire un truc. Il fait tellement peu beau dans notre chère ville de Paris que je suis en train de. J'ai eu peur. C'est satisfaisant, comme disent les jeunes. C'est vrai qu'ils disent ça. Bah, quand ils écoutent Samuel Etienne, ouais, souvent ils disent. Non, on en parlera un tout petit peu plus tard. Il y a un sujet un tout petit peu plus important, l'ASMR. Ah ouais. Je deviens fou avec ça. T'aimes ça? Ah ouais, ah ouais mais on peut en parler maintenant. Je déteste ça, moi. Ça te relaxe vraiment? Mais après, je. Pardon. Vous n'avez aucun point commun, Louis et toi. T'en remarqueras. Il y avait le roller, mais il m'a dégueulé dessus. T'écoutes pas l'ASMR? Je déteste. Alors, tu vois ce que c'est, Noémie? Tu parles de gens qui chuchotent. Moi, les chuchotements dans un micro. Oui, ça rend fou. Je déteste ça. Dans les pubs, là, quand ils chuchotent, ça me rend fou. En fait, il y a une mixeuse qui s'appelle Madame Petitjean, que j'adore, qui avait inventé un mot quand les acteurs. Elle entend toute la journée des voix quand elle est en train de mixer les films et elle déteste. Ah, en fait, elle a inventé un mot, elle dit c'est les gens qui niappent. Et elle dit tu vois, lui, il a niappé, je vais te l'enlever son niappage et avec des espèces de trucs super précis. Mais. Moi aussi, ça peut me rendre fou. Il y a même les bouches sèches. Tout le monde est. Mais l'ASMR, c'est différent. L'ASMR est pratiqué par des gens jeunes qui fabriquent de véritables mises en scène. C'est-à-dire, tu peux cliquer sur des liens YouTube et on te dit « Aujourd'hui, je vais te maquiller. » Et toi, en regardant la vidéo, t'es comme sur un siège dans un salon de coiffure et on te maquille le visage avec toutes sortes d'objets, des petits pinceaux, des choses, et cette chose m'endort. Ça, non, endort Noémie, si elle est en train de dormir. Non, c'est, je conseille ça aux gens qui sont mais ils chuchotent, on est d'accord, ils chuchotent. Non, ils chuchotent. Toi, ce que t'aimes, c'est genre quand ils prennent des légumes et qu'ils les frottent comme non, ça. Non, ça m'énerve. Ah, ça voilà. S'appelle du tapping. J'aime pas ça. Je vois que t'es... Okay. J'aime pas le tapping. On parle impro, excuse-moi. Voilà, exactement. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que tout d'un coup, il y a un jeu de rôle et on me dit, je vais te maquiller, et tout d'un coup, moi, j'ai vu quand même, je me suis endormi. Allez, on va donner un petit côté romanesque. J'étais en train de tourner un film à Rome, en plein Covid, okay. Et je trouvais plus le sommeil. Ok. Cette ville était déserte et tout ça, et je dormais pas. Et j'ai mis un jour de l'ASMR d'une fille, et avec son pinceau, elle caressait la caméra de son téléphone, ouais. Et ça me faisait des frissons. Et en fait, ça m'endormait. Ça me faisait frissonner. Écoute, c'est pas très radiophonique, mais Noémie est conquise, on peut le dire. Ouais. Tu sais, tant qu'on n'a pas essayé une chose, on a tendance à la mépriser. Mais moi, j'aime bien l'ASMR. Ah ouais. Pour ça, je m'endors. Ah. Mais parce qu'il y a aussi des ASMR de mecs de 50 piges qui disent ASMR vendeur de piscine. Est-ce que t'as vu ça? Non. Il y a un mec, il fait des ASMR de jeux de rôle comme ça, mais des trucs genre ASMR vendeur de piscine. Et il dit, alors là, il est en costard et tout, c'est horrible. Je peux vous faire un petit prix. Ouais. Ouais. Non, mais ma fille, par exemple, qui a 16 ans, il y a 2 ans, un jour, elle a vu un truc que je regardais. Elle me dit, t'écoutes de l'ASMR? J'ai dit oui. Et j'ai senti qu'elle me disait, t'es cool. Ouais, c'est pas mal. Genre, elle était contente que je découvre que. Parce qu'un jour, elle a débarqué dans la cuisine, je mangeais du roquefort et du vin. Et elle m'a dit, je pensais pas que t'étais le vieux que tu pensais. Seul dans la cuisine. Ouais, horrible, horrible. J'ai vraiment eu un. J'ai eu un regard de ma fille affreux. Du roquefort et du vin. C'est ouais, le nom de ton biopic. Du roquefort et du vin. Moi, je faisais du roller à l'époque, ok. Donc, oui, vos deux films parlent d'amitié. Noémie, tu as dit en interview que c'est aussi une histoire très personnelle. Une des comédiennes, Sanda Codreanu, je dis bien son nom. Codreanu. Sanda Codreanu. Codreanu, pardon, excuse-moi. Sanda Codreanu est une amie très proche. Quelle place tu laisses que Louis connaît très bien d'ailleurs. Bien sûr. Il y a pas longtemps, on s'est disputé et Louis était vraiment. Rappelez-vous, il faut vous rappeler. Il est vraiment, il a un œil sur notre amitié. Sur leur histoire. Ouais. Très stylé. Mais déjà, tu as une meilleure amie. Moi, par exemple, je sais pas si j'ai un meilleur ami, tu vois. C'est vrai. Très beau d'avoir une meilleure amie. Ouais. Meilleure parce que c'est celle que je vois le plus depuis le plus longtemps et avec qui j'ai le plus d'affinité. Donc c'est la meilleure amie. Et quelle place tu laisses à l'ami? Non, mais l'explication. J'ai vu ton grand. Oui. Ah ouais. Je suis convaincu, okay. Moi, perso. Quelle place tu laisses à l'amitié dans ta vie? On sait que c'est quelque chose énorme. De précieux. Ah, ouais. Oui. C'est. Même plan. Famille, amis, même plan. Et de travailler avec ta meilleure amie, est-ce que. Parce que c'est un peu des fois. Bon, c'est un peu un cliché, mais on peut dire que ça peut être compliqué. Toi, non, ça... Parce qu'on a l'impression que c'est un tournage... Ah, au contraire, ouais, je trouve ça... Ah non, moi, je trouve ça plus facile. Ouais. Je me sens rassurée. On se soutient mutuellement. Vu qu'on se connaît par cœur, on sait des choses... On sait parfois presque parler à la place de l'autre quand... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est plus simple, quoi. Et en plus, sur ce projet-là en particulier, elle était là dès la genèse, bah, je crois. Oui, ouais. L'histoire est née chez elle, dans son appartement, parce que donc on vivait entre femmes avec ses sœurs. Et donc l'idée du film est née chez elle. C'est ça. Et elle a même participé dès le début de l'écriture du film. Elle était là, elle lisait, donnait des idées. Enfin, elle était là. Elle a toujours été là, quoi. Et en tant que médiateur de meilleurs amis, déjà c'est parce que tu proposes des services aux gens, est-ce qu'on peut te joindre parfois? Il y a un personnage comme ça dans un film de Nanni Moretti, mais enfin, c'est plutôt des couples, ils supportent pas que les gens se séparent, et je peux vraiment comprendre dans Bianca de Nanni Moretti, c'est super bien. Et non, mais tout d'un coup je les vois, elles travaillent comme des folles ensemble, elles écrivent le scénario, ça. Le film explose, tout le monde les demande, et je dis, mais vous parlez pas alors que vous allez pas ensemble aux présentations du film? Et les deux me disent, eh bien non, Louis. Et du coup, j'ai dit. Et j'ai dit, impossible, sur mon dead body, cette situation ne se reproduira pas. Et ensuite, sans les consulter, j'ai vu une story Instagram de Noémie, je les ai vues toutes les deux. Et là, t'as fait un petit. Tu t'es mis un petit ASMR. T'as disparu dans le brouillard. J'ai mis un petit ASMR. Elle a caressé la caméra avec son pinceau et j'ai fait une bonne sieste. Toi, Louis, la place de l'amitié dans ta vie, c'est quelque chose qui est important? Bah, en écoutant Noémie, je me suis dit, c'est une chose que je m'étais déjà dit, je crois que ceux que je considère être mes amis, c'est des gens à qui je donne la possibilité de me tuer. C'est-à-dire vraiment, non mais de me tuer au sens où ils peuvent m'assassiner. Parce non que, mais parce que tu ouvres grand la porte. Ouais. Tu lui dis voilà, si tu veux me tuer, tu peux me tuer, tu peux me planter un couteau dans le dodo. Il ne le fait pas. Et ensuite, c'est quand j'ai bien vérifié qu'il ne l'avait pas fait que là, je suis en confiance et du coup, je suis. Ton cerveau fonctionne très bizarrement. J'allais dire, c'est ouais. pas ça que j'ai entendu dans les mots de Noémie. C'est plutôt un truc. Non mais parce qu'en fait. En fait, tu avances, tu vois bien comment c'est. T'as des espèces d'amis que tu te fais avant l'entrée dans le monde social. Bien sûr. Et puis après, tu vois bien, t'es protégé, puis t'as une sorte de lien qui t'unit à la personne qui est en dehors de la société. Puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus mondain, de plus en plus intéressé, de plus en plus. Ouais. Et tu peux te sentir perdu. Et en fait, pour me rappeler qui sont mes amis, je me dis, ah ouais, lui, par exemple, il pourrait me tuer, il l'a jamais fait, c'est bon. On est toujours amis. En fait, c'est plutôt pour. Qu'est-ce qui fait que je me dis qu'on est amis? C'est pas exactement comme ça, c'est un peu trop compliqué. Non, mais je vois, en fait, j'ai deux, trois amis, mais c'est les trois, quatre vrais amis. J'en ai un seul que je me suis fait sur le tas. Et en plus, c'était un peu une rencontre mondaine. Et on est devenus amis, mais j'ai au mis... parc avec Chris Rock, tu parles de moi, on est d'accord. Hein, c'est moi, évidemment. Ton meilleur pote Flo-Flo. Qui me donne de l'argent un peu comme ça, qui sort des billets de 10 euros quand on fait des podcasts. J'en ai plus, hein, j'ai tout donné. Hein, j'ai vraiment... Non, et du coup, j'ai attendu 5-6 ans avant de considérer que ça y est, on est amis. Et je pense que si je me suis dit on est amis, ça y est, parce qu'il a la capacité de me tuer, qu'il ne l'a pas fait. Et vous avez des amis d'enfance ou pas? Moi, je suis des fois déprimé. Quand vous me parlez d'amitié, je suis un peu déprimé. Moi, je me dis, j'ai pas d'amis depuis. Non, j'ai pas d'amis d'enfance. Je perds mes amis, moi, souvent de vue. Enfin, la vie fait que. C'est oui, rare oui, que... moi, pareil. C'est ça. Ouais. Moi, je les pas une amie d'enfance, Sanda. Non, bien sûr, c'est moi aussi à côté. Tueur d'amis. Je les ai tous tués, moi. Le petit couteau, c'est lui de qui mes propres mains nues. Non, c'est considéré. En fait, il y a peu de gens qui ont une victoire. Hier, par exemple, un ami à moi, j'ai appris qu'il allait lui arriver un truc extraordinaire dans son travail, un truc dont il rêvait depuis 25 ans. Je l'ai ressenti en moi comme une victoire, alors que vraiment j'aurais pu être jaloux. Je peux pas vous le dire encore parce que c'est tellement incroyable, mais je pense que ça vous dirait rien. Mais pour nous, c'est genre, il va travailler avec quelqu'un qu'on idolâtrait depuis qu'on a 15 ans. Et qui a même Tony la pierre angulaire. Tony, acte, ton deuxième non, acte, non mais ça depuis qu'on a 15 ans, c'est la personne qu'on a le plus en tête de travailler. En plus, c'est une femme. Et il m'a annoncé hier, elle m'a convoqué, elle va me donner un truc. Et ben j'ai aucune sentiment de jalousie. Aucun. Ok. C'est alors que ça. Je peux. Ouais. L'inverse de la elle jalousie. Elle va lui donner ce un sentiment. Truc. Attends, ouais. Je vais trouver ça. Vas-y, je veux bien. Voilà. Je peux avoir des copains. Et prouver un peu de jalousie. Ah, quand même. C'est pas okay. Non, mais c'est des copains. Oui, bien sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. C'est la compersion, le mot. C'est l'inverse de la jalousie. C'est quand tu exprimes de la joie pour quelqu'un d'autre, quoi. Ah, c'est enfin, beau. Voilà. J'avais oublié, j'ai vérifié. La compassion. La compersion. Compersion. La compersion. Ouais, c'est l'inverse de la jalousie, non. Quoi. Donc, est-ce que tu peux me donner l'étymologie du mot et pas te suggérer ça étymologie, mot emprunté à l'anglais. Donc, comparse. Ouais. Je ne sais pas. Probablement par imitation de dispersion ou moins probablement à partir du radical du verbe latin partior. Mais après, ils disent moins probablement, donc ils ne savent pas. En fait, ça m'a plus perdu qu'autre chose. Moi, t'es sur Twitch là. T'es sur Twitch ou t'es où? C'est Samuel Etienne. Je suis en live avec Samuel Etienne. Il dit, il fait un headshot et il me répond. Non, ouais, compersion. Okay. Je sais pas trop les. Moi, j'ai appris le mot monstration récemment. Je savais pas. Monstration. C'est genre, il y a la démonstration. Tu veux montrer à quelqu'un quelque chose. Et la monstration, c'est le faire sans vouloir le montrer à quelqu'un. Mais du coup, la personne, parce que je regardais des trucs sur comment être un pas trop mauvais père, et c'était ça, il disait, faut éviter la démonstration, il faut faire la monstration. C'est-à-dire que. Faut le faire soi-même dans la vie de tous les jours et c'est ça. Ah, genre donner enfant, l'exemple sans le faire de façon plutôt que dire ostentatoire. Regarde, il faut que tu fasses tes devoirs comme ça. Tu fais tes devoirs. Pas mal. Pire exemple, tu fais pas tes devoirs quand t'es père. Mais oui, tu m'as compris quoi. Moi j'ai appris famage. C'est quoi? De quoi? Hommage, famage. Hommage, famage. Ah oui. Ça existait avant et ça a été retiré de la langue française apparemment. Ça existait. Il y avait hommage pour les hommes et famage pour les femmes. Comme autrice. C'est un beau mot. Ouais. Autrice, ça existait avant. Ça existait avant aussi. Ça fait c'est tout un moment donné. Mais c'est revenu, autrice. Oui, bien sûr. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, on dira de plus en plus « elle pleut ». Ce qui serait plus logique, à part si on considère que c'est le ciel qui pleut, mais sinon c'est la terre qui pleut, non? Pourquoi on dit « il pleut » Ah. Bah parce qu'on dit il pour tout. Enfin, c'est le neutre, quoi, je sais pas. Tu t'égares. Non, mais il fait beau, il. Je sais bien, mais il y a un truc qui est étrange. Pourquoi oui, c'est le masculin qui l'emporte sur des trucs aussi. Moi, je dis ça pleut, mais après, je suis un peu. Voilà, je suis pas le mec le plus intelligent. Ça drache, ça drache. C'est bien, ça pleut. Ça pleut comme ça, au moins, voilà. Au Japon, le gouvernement galère avec les réseaux sociaux ou autres abonnements de leurs habitants et on a fait une demande particulière donc à ses habitants. Je vous demande de trouver le problème auquel ce gouvernement fait face. Attends, tu peux redire le. Bien sûr. Excuse-moi, j'ai pas réussi. Ben non, mais en même temps, j'ai bafouillé. Au Japon, le gouvernement galère avec les réseaux sociaux de ses habitants ou alors leurs abonnements, leurs trucs, je sais pas, Netflix, Amazon, tout ça. Ah d'accord. Et ils ont fait une demande particulière à leurs habitants. Je vous demande de trouver le problème. Je pense qu'ils ont. Mais ça, c'est pas ils les ont... réseaux sociaux, c'est les plateformes. C'est les deux. C'est les deux. Ah, les deux. Je pense qu'ils deux. Sont à 0,7 de natalité, qu'ils ont un problème démographique et qu'ils leur ont demandé d'arrêter de sortir. Alors, non, c'est pas ça. Parce qu'au Japon, c'est moins que 1 la ouais. natalité. C'est en train de. Ah ouais, ouais. C'est fou. Mais c'est pas lié à ça. Voilà. C'est pas lié à ça. Donc c'est la vie digitale en fait. C'est la vie digitale. Ils regardent plus devant eux pour traverser ou pour. Est-ce que c'est lié avec Okikomori? C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est. Okikomori, c'est un syndrome de gens, c'est au Japon, des gens qui ne sortent plus, qui sont chez eux tout le temps et qui s'isolent. J'ai ça, moi. Toi, c'est ton hobby, c'est ton sacerdoce. C'est tatoué sur mon torse. Hein. Mais, bref. Alors non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. c'est incroyable comme tu ressembles à Paul Mescal. Je n'arrive pas. T'entends, Adrien ? Je suis Paul Mescal. Donc on arrête avec Olivier de Benoît. Je continuerai à dire Olivier de Benoît. Là, prends ça comme une petite vacance. Je suis. Ouais, ça tu ressembles à Paul Mescal. Mais ça me fait du bien. Non, mais ça me fait un peu de bien. J'entends. Pardon, du coup, je t'écoutais plus. Non, mais je disais juste que la réponse de Louis était fausse. Tu terrassais un homme avec une lance dans une arène, là, à ses yeux. Dans le 2, c'est pas qu'un homme, hein, c'est et des singes et des requins. C'est vrai qu'il y a des singes. Je fais pas mal de trucs stylés dans le 2, quand même. Je pense pas qu'ils existaient, ces singes. Il y a un ou deux plans où on se pose la question. C'est bien Gladiator 2 ou pas? Moi, j'ai kiffé. J'ai pris un bon moment, mais c'est pas. Et toi, Noémie? Ridley Scott nous écoute, attention Noémie. Bah non, je dirais rien. Je travaille avec une historienne de la Rome antique pour mon prochain film. D'accord. J'ai été voir Gladiator 2 avec elle. Oh, ça a dû imaginez-vous. Être intéressant. Imaginez-vous. Après, c'est pas un documentaire. Je pense qu'à partir du moment où il y a des singes en 3D, elle a peut-être lâché l'affaire. Elle a complètement lâché l'affaire. Ouais. Très, très vite. Et à chaque film que tu vois, tu vas avec un spécialiste de la question. Non, mais là, il s'avère que. Qui vient te casser ton. Donc, c'est assez éloigné de ton prochain film, visiblement, de ce que j'ai l'impression de comprendre. Bah, en tout cas, oui. Ok. Oui. Si tu cherches le Paul Mescal français, en tout cas, ça il y a des heures d'intermittence qu'ils attendent et que voilà. Donc nos amis japonais. Oui, bien sûr. Tu te rapproches de moi parce que tu fuis le soleil, j'adore. Absolument. On n'a jamais été aussi proches, toi c'est et ça, moi. C'est ça. Vraiment, je suis en pleine gueule quand je suis ici. Est-ce que c'est un problème économique? Genre, il n'y a pas assez. Non, c'est pas économique. Non. Ça pose en fait un problème. Je mets les 10 euros au milieu, je les mérite pas. 10 balles pour celui qui trouve, pas mal. Plateforme et réseaux sociaux. Il faut que le gouvernement trouve une solution. Alors, c'est pas qu'il trouve une solution, c'est qu'il demande aux habitants d'arrêter de partager leur compte. De donner un coup de main. Alors, pas partager leur compte. De liker plus de trucs. Liker envoyer de la force au frérot, peut-être. À Inox Tag uniquement. Non, ce n'est pas ça. C'est un truc qui peut nous arriver aussi ici. Hein. C'est pas. Exclusif au Japon, c'est des trucs qu'il faut. De partager quelque chose. Alors c'est pas au partage, mais c'est. De publier, de liker. Je vais vous donner un tout petit indice, c'est lié au mot de passe. Ah, de ne pas mettre mot de passe. Mettre le mot de passe. De ne pas mettre mot de passe comme mot de passe. Non, c'est pas non, ça. Ou 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas sur la difficulté de ne pas passe. Donner ses mots de passe aux autres parce que sinon, ça. On sent que ça t'est arrivé. Bien essayé. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il leur demande de changer leur mot de passe à tous? Pas de le changer. Ah, je vais devoir vous donner. D'utiliser un gestionnaire de mot de passe. Pas, alors non, c'est pas d'utiliser un gestionnaire de mot de passe. Ça, je le recommande. Ça fait tellement longtemps qu'on cherche et ça va être tellement décevant. Non, pas du tout. Non, et ben, ça va pas être décevant. Et Adrien, on continue. Peut te dire. Souvent, je le dis quand c'est décevant. Là, alors, je crois que ça l'est pas encore. Alors attends, encore 5 minutes et ça le sera. Mais pour non, vas-y. Redonne un indice. Ah là, j'en ai donné un bon. Attends, c'est le gouvernement qui dit ça. En gros, le gouvernement. Parce que le gouvernement, il peut pas connaître leur mot de passe. Donc ça peut pas être un truc de cette nature-là. Ça peut pas être changer votre mot de passe. Il est pas assez fort, machin. C'est pas ça. Donc c'est ils demandent un coup de main, ils disent là ça, on galère un peu, amis japonais, est-ce que vous pouvez pas nous donner un coup de main là-dessus? Et c'est un tout petit truc, ça coûte rien de le faire. Mais pour aider le gouvernement. Pour aider en fait un. Ah, mais si je vous dis le problème, vraiment là je vous donne la réponse. Alors attends. C'est lié au mot de passe, un problème de mot de passe. Problème de mot de passe? Pour pas saturer les serveurs? C'est lié à ça. À des mots de passe plus courts? Pas des mots de passe plus courts, mais c'est lié effectivement au fait que ça sature l'internet. c'est sûrement pas le terme exact hein, que j'utilise. Si, mais... sature l'internet. De 21h à minuit, Flo et Adri saturent l'internet. Est-ce que. Alors attends, c'est un problème du coup de. Oh, putain, j'ai vraiment le soleil en pleine gueule. De trafic de. T'attires le soleil, qu'est-ce que je te dis, Adrien? J'allais dire, je suis retourné plein comme ça du soleil combien de temps? Oui, oui. J'ai bien vu que tu pouvais pas me blairer, Louis. On est encore dans mon émission. Jusqu'à preuve du contraire. T'as pas une casquette ou... Non, non, non, mais ça va. Je vais je arrêter de faire un bob. Non, mais tout va bien. Tout va bien. À tout moment, bon, investir dans des rideaux, une peut-être. Ombrelle. Des petits rideaux. À ne plus mettre des mots de passe sur tous leurs trucs. Ah non, t'imagines le beans. Le beans. T'imagines le bazar. Ah, oui. Pourquoi se demander qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi. Un mot de passe par famille. Non, alors c'est pas ça, mais j'aime bien vous trouver des bonnes solutions. Ah, c'est de ne pas utiliser. Ouais, mais c'est trop technique, je pense que ça va pas être ça. C'est de ne pas utiliser le truc où tu sais, ça t'envoie un texto pour confirmer que c'est bien ton mot de passe. Ah oui, passe c'est trop tout. Technique. T'as raison. Pardon, ouais. Pas de chiffres. Pas de... Non, c'est pas ça. Pas de majuscule. Non, ça, tout ça c'est conseillé de mettre et un chiffre et est-ce majuscule. Que c'est. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas de cocher le truc genre. Au fil de votre vie, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ah, on fait pas des favoris, des trucs comme ça. Alors, c'est pas de ça. De pas changer le mot de passe? Pas ça non plus. Alors vous, là, arrivez, vous créez votre mot de passe. Bien sûr. Aux grosses têtes, là, Laurent Ruquier, quand il fait le même jeu, ouais. En fait, il a donné la réponse depuis bien longtemps. Donc maintenant, tu vas la donner. On n'est pas. Wow. On n'est pas dans ton gang de rollerblader, là. De roller squader, pardon. Eh ben, moi, je vais prendre un coca. Ah, voilà. Je t'en conjure. Tu sais que je suis allé un jour aux grosses têtes. Je crois que c'est vrai. Et on m'a dit, est-ce que tu acceptes de faire l'invité mystère des grosses têtes? Bah, je dis, évidemment. Attends, donc en fait, je suis s'il te plaît, 2 secondes. ASMR. Ça, ça pas tu mal. Tu peux continuer. Wow. Que vous voulez ma piscine. J'étais invité mystère aux grosses têtes. Et quand on a révélé mon identité, j'ai entendu Bernard Mabille dire « Mais c'est qui ?» C'est une très très bonne anecdote. Déjà, et quand c'est Bernard Mabille, ça fait mal. Ça fait mal. Tu l'as Bernard Mabille, Noémie, ou pas? Pas du tout, c'est pour ça que je rigole. C'était le même petit rire que sur Samuel Etienne. Si je te dis Jean Roucas. Non, putain, c'est pas Jean Roucas. C'est vraiment l'humour de la télévision des années 80. Genre c'est limite le. Mais le bébé de show, ça te dit rien? Moi, je regardais que. Buffy. Non, une nounou d'enfer. Ah, bien sûr. Docteur Quinn, femme médecin. Oui. La petite. Très M6, je vois une nounou d'enfer. La petite maison dans la prairie. Oui, très série. Oui, et très héroïne aussi. Ouais, très héroïne. Eh, franchement, une nounou d'enfer et tout. Ouais, c'est des héroïnes de ouf. Hein. Bah oui, non, mais c'était pas. De malade. Pour ça, c'est est-ce que ça a à faire l'histoire des mots de passe japonais avec les intelligences. Les intelligences les services. Mots de passe. Elle est dégoûtée, Noémie. Intelligence service des autres pays. Non, pas ça. Pas l'IA non plus. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Pas l'IA. Pas Bernard Mabille. Rien à voir avec les mots de passe non plus. Noémie, ils ont pris leur micro dans leurs mains. Vas-y, viens. Viens, on fait la même chose. On a l'air de con. Moi, c'est vraiment pour le ouais, soleil. Non, c'est quoi ils sont hyper lourds. Non, mais moi, c'est vraiment pour le soleil que je fais ça. Comme moi, c'est pour me donner un petit style. C'est depuis qu'on m'a comparé à Paul Mescal, j'ai pris la confiance. Ouais. Moi, alors, je vais vous donner la réponse. Déjà. Je suis déjà épuisé de le faire, moi. Donc, je vais vous donner la réponse. Non. Parce qu'il y a la vie et il y a quoi? Avant de mourir, avant de mourir, il faut supprimer son mot de passe. Il faut donner son mot de passe à quelqu'un pour qu'il supprime les comptes. Pour que quelqu'un de proche de toi supprime ton compte oui, ou le ferme. C'est vrai, parce que là, il y a des Japonais qui se font taxer des mois et des mois de Netflix ou de trucs comme ça. Parce qu'en fait, ils sont décédés et ils n'ont pas clôturé leur truc. Et les serveurs sont full de gens décédés. Ouais, oui, c'est moi qui mets des mauvaises vibes dans l'émission. Ça m'a angoissé, mais tout attends, de suite. Attends, parce que je vais parler de mes parents, ça va être de bonne humeur. Non, non, mais moi, j'avais fait ça, du coup, pour ma mère, j'avais dû supprimer son compte. Non, j'avais pas encore supprimé son compte Twitter. Son LinkedIn. Elle avait Twitter. Ouais. Et le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que peut-être je fasse quelque chose, c'est que j'ai vu le compte de ma mère. Pardon, c'est drôle, mais elle postait genre un tweet qui disait genre le dernier son de Jules, trop bien et tout, j'ai fait. Alors déjà, je pense pas qu'elle écoutait Jules et surtout elle est décédée, donc ça m'étonnerait que ce soit elle. Et du coup, j'ai supprimé son compte à ce moment-là. Elle s'est fait pirater. Ouais, elle s'est fait pirater ses deux comptes, Twitter et Facebook. Mais après sa mort. Mais quel est l'intérêt pour un jeune de pirater le compte de je ta mère sais, pour poster aucune idée, ça je faudrait demander. J'aurais dû demander à la personne avant dessus. Bah, je ne sais pas. C'est trop bizarre. C'était parce qu'il y avait la propagande de Jules, y compris chez non, les personnes. Non, je crois que c'était un retweet de quelqu'un d'autre. Et je fais ma mère a retweeté, ma mère décédée a retweeté un tweet complètement. T'es sûr qu'elle n'écoutait pas Jules? Non, mais c'est un trouble. Je crois pas. Après, on n'était pas super proches, mais je pense pas quoi. Donc oui, préparer sa mort dans la vie réelle, mais aussi dans la vie numérique. Et oui, oui, au Japon, les citoyens sont incités à planifier la fin de vie numérique. Pourtant, c'est beau, c'est comme si ça continuait, quoi. On peut toujours aller voir. Oui, bah après, oui, clôturer, ça veut peut-être pas dire effacer, tu vois. Ça veut peut-être. Bah, je sais pas, tu peux dire. Tu peux le désactiver, le compte, sans le supprimer. Non, mais c'est pour en retirer l'abonnement, surtout. Ça. Oui, ça, je pense que c'est surtout ça. Craignant, entre autres, de plus en plus de personnes ne parviennent pas à empêcher que la carte de crédit d'un proche défunt ne soit débitée pour un service qu'il ne peut plus consommer, le gouvernement japonais fournit quelques conseils, pour rendre cet héritage numérique moins compliqué. Pour commencer, il suggère à ses citoyens de s'assurer que les membres de leur famille puissent déverrouiller leur smartphone. Ou leur ordinateur en cas d'urgence. Il les encourage également à conserver une liste de leurs abonnements, identifiants et mots de passe dans un document auquel leurs proches pourront accéder après leur mort, dans le testament par exemple. Voilà. Ouais. Oui, ça t'énerve. Tu peux déverrouiller le téléphone avec moi, je donne le visage, pas mon mot de passe. Oui, c'est vrai, mais faut aller vite du coup. Faut penser avec avant le visage du cadavre, tu veux dire. C'est horrible. Je vais vous laisser. Louis trouve l'ambiance sinistre. Attends, on va te faire un petit ASMR pompe funèbre. Non mais on se plaint du soleil, on parle de trucs chelous. Merci bien. Le cercueil, on a qu'à jouer. T'as pas de réseaux sociaux, Louis. T'es pas là-dessus. Si, il vient de se prendre Instagram. Ah bon? Oh là là. Oh, ça a leaké là, il y a eu un leak. Loulougar 75. J'ai un faux compte Instagram pour. C'est pas un faux, c'est un vrai. Tu postes des trucs. Oui, mais anonyme, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'était très drôle de voir les débuts de Louis sur Instagram en fait, il y a quelques mois. Parce que tous les amis que j'aime envoyaient des conseils. Ils me disaient arrête de faire ça. Quand t'étais devant ton pinard et ton nom. Ma fille m'a dit mais t'es fou d'avoir mis cette photo, mais c'est vraiment affreux. Alors que franchement, j'ai plutôt du crédit avec elle. Il y a deux jours, en fait, j'ai un copain qui organise des émissions de rap. Okay. Et il me dit, moi je connais pas très bien le rap. Okay. Il me dit si tu veux, je peux avoir des places pour aller écouter Dinos. Okay. Je connaissais pas. Et je dis à ma fille, tu veux aller écouter Dinos? Normalement, elle met un jour et demi à me répondre à mes messages. Là, c'était instantanément grave. Et donc, trois places pour ma fille. Et ben, je sais pas pourquoi je vous raconte ça n'a pas d'intérêt, mais si, quand même. Si. Il y a un jour avant le concert, même deux jours avant le concert, je reçois un message de ma fille. En fait, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, ça me ferait plaisir. Oh. Et ben, je suis allé au concert de Dinos et j'ai découvert JRK19. Ok, vous connaissez pas. Non plus. Le petit mépris était de trop dans le. Vous connaissez pas. Bande de losers. Et bah c'était super. T'as kiffé. Ouais, j'ai bien aimé JRK19. J'étais super content. Rappeur du 19e. Très bon. Okay, Dinos, je préfère Tyke. Oh ah oui d'accord. Ah ouais. Ouais, Dinos il est un peu dans une vibe love et tout. Tyke j'aime bien. Ah bah attends, le jour non, c'est l'inverse. Ouais, c'est totalement l'inverse. Je connais personne. C'est Tyke qui est dans une vibe love. Tyke tu connais pas? Je t'ai déjà remplacé tout ça. Taïk et Bernard Mabille qui Sanda, sont. Avec Sanda, tu devrais voir ce genre. Attends, mais c'est Taïk qui est dans une vibe love. Ah, c'est l'inverse. Dans une vibe plus que love. Ouais, oui, bah oui, mais t'as dit. J'ai vu un concert de Taïk live tout seul. Vous savez quoi, je vais vous poser une autre question. C'est le Bernard Mabille du rap en gros. C'est le Bernard Mabille du rap pour Noémie. Un salon de coiffure propose depuis peu un service supplémentaire qui coûte 30 euros. À votre avis, quel est ce service? Un salon de coiffure parisien. Il ne te parle pas. Très bonne. Petit son. Ouais. C'est le jingle quand je trouve. 30 euros, mais il te faut un truc plus. Physique. Bah non, il a trouvé. Il te parle pas pendant le. Ah, c'est ça vraiment mais, la coiffeuse alors, ou le coiffeur ne te parle pas, ne t'adresse pas. Moi j'adore, mais. Non, ça c'est une blague ou c'est vraiment ça? Ah, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Tu payes 30 euros pour que la personne se taise? Oui. Mais c'est horrible. Tu aimes ou tu aimes pas? J'arrive pas à juger là sur ton. Non, tu sais. Mais en vrai, t'as pas besoin de payer parce que. Enfin. Tu demandes? Non, même tu te demandes pas. Moi, en général, je... Les gens ne te parlent pas. Non, parce qu'ils voient que je parle pas, que je peux être très... À partir du moment où tu montres que t'es très fermé, que t'es dans ta tête... Ah, mais ça, c'est bravo à toi. Ça, c'est un super pouvoir. Moi, je suis incapable de faire ça. Non, mais si. Non, mais tu réponds de façon laconique et au bout d'un moment, s'ils captent les signaux, ils arrêtent de parler, quoi. Oui. Je pense que mes signaux sont ça, pas clairs. C'est pas, tu réponds quand même, j'imagine. Genre, sinon, ils te parlent et tu réponds. Ah, ça peut arriver de pas répondre. Pas répondre du tout. Parce que je suis vraiment dans ma tête. Là, c'est terrible. Je fais pas exprès. Je suis ailleurs. D'accord, t'es dans ta surtout bulle, chez le coiffeur. Comme Diams. Ou alors tu dors, tu fermes les yeux, tu fais comme chez si le tu coiffeur. Dormais. Bah moi, après ça fait très longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur, je vous cache pas. Mais c'est vrai, je te regarde depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que je sais pas. Mais non, mais tu dors chez le coiffeur. Ah moi je dors dès qu'on me touche un peu. Il y a aucun problème. Elle a de non, dormir mais, à ce podcast. Donc mais moi j'aurais trop peur. Le coiffeur. J'aurais trop peur de faire un, tu vois, de sursauter et qu'on me coupe une oreille ou un truc comme ça, quoi. Ah bon, mais tu vas oui, d'accord, avec moi, il m'a fait un coiffeur dans des caves. Mais non, mais ah, d'un accident. Mais, ah, je croyais que c'était quelqu'un qui coupe pas, tes oreilles pendant que tu dors. Oui, aussi, j'étais dans une fable bizarre. Dans un non, tu sursautes, tu fais un mouvement et ah, paf, ouais, ton oreille elle passe entre les deux lames du ciseau. C'est des et professionnels. Non, t'inquiète pas. Non, non, non. Moi, j'en ai ma fille récemment. Je suis terrifié. Après, Dieu sait qu'elle a bougé dans tous les sens, elle a 3 ans. Oui. Et ils l'ont pas abîmée, tu vois. Ouais, ouais, mais je sais pas, j'aurais pas confiance, moi. Après, j'ai 30 euros pour pas qu'on parle, tu pourrais aimer. Bah, il y a quelque chose en fait qui s'appelle simplement la convivialité. En fait, moi j'aime bien discuter avec les gens, moi les coiffeurs qui parlent, que c'est sympa, c'est smart. C'est vrai que t'es un peu en opposition à l'ambiance générale de ce podcast. On sent qu'il y a un Louis Jovial. On est parti du principe qu'il fallait pas qu'un coiffeur vous parle, mais enfin, oui, changer ça en coiffeur. Oui, mais après, après toi, tu aimes beaucoup parler. Moi, par exemple, il y a des fois, c'est trop. Il y a une petite pointe de reproche. Il va nous mettre taille. C'est vrai que c'est bien quand même. J'écoute pas ce que tu dis, Noémie. C'est du type éruptif. Le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Moi, tu vois, je pourrais payer 30 euros pour couper les karaokés. Pour couper le type. Je paye 10 euros pour arrêter le type. Un de mes meilleurs copains est chanteur et musicien, et en fait, il m'a très très vite, à 14 ans, humilié avec mes goûts musicaux. Donc s'il y a un domaine où je suis pas sûr de moi, c'est la musique, mais je m'en fous. Okay. Je m'en fous des grandes racontes. C'est surtout qu'avec moi, t'as pas honte, parce que moi j'ai vraiment des goûts gênants. Et du coup, t'as pas honte avec moi. Non, ça n'existe pas. Non, mais moi j'adore la variété française, la variété américaine, tout. Bah oui, dans tes films, souvent, il y a des chansons de variété. Hier soir, j'écoutais encore Achis de Céline Dion en live, laisse tomber, je suis par terre. Sublime. De... Incroyable. Quel live? C'est un live où je sais qu'il y avait Deadpool derrière, ça m'a énervé, j'étais pas content, j'avais envie juste de voir la robe Céline Dion et le fond noir, et tout d'un coup il y a eu l'apparition de Deadpool, bon bref. On dirait un cauchemar qu'il a fait, mais c'est un vrai, j'ai vu ce live. J'ai une dernière question, après on va devoir libérer Noémie qui a une avant-première à Lyon ce soir. Pour son le film. Temps passe si vite. Si vite que ah ça. Bah c'est... Ah mais quand on passe un bon moment, c'est dingue. C'est vrai. Et surtout quand il y a du soleil. Ouais. A priori, c'est le un bon moment que du soleil. Non, mais j'aime bien le soleil, mais dans l'œil directement. Okikomori. Il est dans mon dos. J'ai un jeu à vous proposer qui s'appelle Les films qui baisent ensemble. Alors, qu'est-ce que les films qui baisent ensemble? C'est très simple. Je vais vous donner des résumés de deux films et la réponse est un mot-valise / jeu de mots des deux synopsis que j'ai mélangés. Voilà. Sachant que vous avez un petit avantage puisque ce sont des films de votre filmographie. Donc normalement vous êtes un peu avantagé. Voilà. Sachant qu'Adrien. C'est là qu'on va voir si l'autre a menti. Moi j'ai une terrible culture cinématographique. Donc vous avez un petit avantage. Par exemple, si je vous dis Nala, jeune lionne blessée, entretient une relation passionnée et destructrice avec Simba, un lion drôle et romantique, mais qui derrière ses Hakuna Matata cache un homme toxique. Mon roi lion. C'est très très bon ça. Mon roi lion. J'ai l'impression que vous détestez. Ah mais je crois que c'était avec nos films, mais c'est pas notre film ça. Alors mon roi, il est dedans, Louis. Alors là, bon, qui allez. Vous a dit qu'on était amis? C'était avec ce qui vient de se passer là. L'ambiance se tend autour de la voilà. table, l'air devient glaçant. J'en ai eu un, je suis content. Louis est Louis hors de lui. Tu veux un coca normal? C'est le coca vanille, il peut être immonde. Je peux te sortir un coca normal si tu veux. Mais Louis. T'aimes ou pas? Mais t'as dit que tu devais pas boire du sucre normalement? Bah oui, je l'ai dit. Ah ouais, bah t'es. Bon, et oui, mais vraiment, c'est très connu hein, dans sa filmographie en plus. Tu l'as pas vu, mon roi? Pierre Monroy, tu confonds avec Pierre Monroy peut-être. Donc en fait, il ressemble à Paul Mescal. T'as observé une rotation de 75 degrés depuis le début de l'émission. Et je joue pas dans mon roi. C'est cool. Ça va? Elle est bonne l'ambiance? Pardon, mais moi dans mon roi, j'avoue, Emmanuel Berco, elle a tout. Je ne vois qu'elle. Oui, bien sûr. Bah, je joue le petit frère d'Emmanuel Berco. Beaucoup de scènes qui partagent avec. Ça on avance. Pas sur la meilleure ambiance. Moi je l'ai pas vu. Enchaîne. Alors, au sein d'un porte-avions militaire, une mère aux mœurs dissolues va entretenir une relation incestueuse avec son fils Kazé Reybak, cuisinier karatéka et ancien membre des Navy Seals. Alors j'en ai un. Et toi aussi? Alors là, moi j'ai rien suivi. Alors attends. Un karatéka et une mère incestueuse. Exactement. Oui, bah attends. Ouais, j'ai pas. Ma mère. Bah oui. C'est ça. T'as joué avec une mère incestueuse, toi? Bon allez, ce que je te propose de faire Noémie, c'est que tu fais semblant d'avoir vu les films. C'est quoi, c'est ma mère le titre? Ma mère, ouais. Et bah piège en haute ma mère. Piège en haute ma mère. Exact, piège en haute ma mère. C'est quoi ce film? Alors, c'est un film. Bon, modestement, je prête ma personne pour interpréter le personnage qui mais de manière très anecdotique, est le personnage principal. Bon, et Et par hasard, il y a Isabelle Huppert qui se balade, tu vois, qui joue la mère. Et à un moment donné, des gens qui ont dit ok, mettez-le dans les cinémas, vas-y, mets on, vas-y, déclenche le truc. Ouais, si tu, veux, tu payes, tu me donnes 10 balles, je te file une place. Les gens sont allés le voir. Il y a eu des rediffusions à la télé, Noémie, par exemple, tu vois, mais sur Wikipédia aussi, je sais pas. Mais c'est hasardeux, ils ont mis quand même dans la filmographie du mec. On va faire peut-être des films de Noémie un petit peu avant de revenir sur les films de On y va. Pour pallier... de pas les reconnaître non plus. Pour pallier au chagrin de sa sœur, Elisabeth Beaugrand fait passer le mari de cette dernière pour un policier mi-homme mi-robot, bien décidé à faire régner l'ordre sur la France napoléonienne et la ville de Détroit. J'en ai un. Alors moi c'est pas du tout moi. Hein. Ah si, hein. Bah si. C'est... Elle a pas compris la règle du jeu. La réponse c'est un jeu de mots sur deux films. Il y a pas ton, en fait il y a pas ton film dedans. C'est un mélange d'un peu d'un film. C'est le jeu. En fait c'est quand le jeu j'ai de mots. J'ai pas dit mon film mais un film dans lequel j'ai joué. Ouais c'est ça. Si là aussi c'est ça. Ah bon. Là il y a un film dans lequel elle a. C'est là, moi qui ai pas compris. Vas-y. Quand il est un peu gêné il part en ASMR. Directement. Pour pallier au chagrin de sa sœur. Est-ce que tu as ton film déjà? T'as même pas ton film dans le synopsis. Pour pallier au chagrin de sa sœur, Elisabeth Beaugrand fait passer le mari de cette dernière pour un policier mi-homme mi-robot, bien décidé à faire régner l'ordre sur la France napoléonienne. J'en ai un sur les deux quoi. Alors, celui que t'as, c'est, on peut le dire. Robocop. Et l'autre film, je vais te le donner. Je crois que j'ai pas vu Robocop. C'est un très bon film, je te le conseille. Moi j'aime beaucoup Robocop. Et l'autre film c'est le retour. Malheureusement c'est moi, c'est l'autre film que j'ai le, pas vu. Le retour du. Bah finalement, visiblement de Noémie non plus. Le retour du héros Robocop. Ah. Et oui. Et bah oui. Le ouais, retour bah, tu vois, du héros Robocop. Le retour du héros de Laurent Tirard. Et oui. Avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Ah, oui, enfin. Je crois que Louis a un petit message à faire passer sur quoi il connaît mieux ta film. Oui, oui. Bon, il a pas. T'as quand même pas trouvé la réponse donc. Calme-toi tout de même. Il l'avait déjà donné, c'était facile. Vas-y, enchaîne. Alors celui-là. Trois femmes vivent dans un appartement à Marseille en pleine calicule. Un jour, elles captent l'attention du voisin d'en face, un jeune barbare cimérien à la musculature peu commune, interprété par Arnold Schwarzenegger. Ah, les femmes au balconane. Oui. Très bonne réponse de Louis Garrel. Eh oui, les femmes au balconane. Et ouais. Ah, il a les mains sur les hanches, c'est vous dire. Il y a un air de défi dans le manga. Abel panique. Il vient d'apprendre que sa mère, la soixantaine, est sur le point de se marier avec des centaines de Spartiates prêts à bouter les Perses hors de leur royaume. Alors, bah oui, j'en ai. Ouais, hein. L'innocent gladiateur, non? Ah non, non, mais. Ah, Lino 300? Lino 300. Oh, on, Lino a, 300. On l'a eu, ouais. Lino 300. C'est un demi-point chacun. C'est bien, 300? Non. Mais... non, non. J'ai pas... Enfin, moi, j'ai pas aimé en tout cas. J'ai une petite question. Hein, après, on a des goûts très différents, apparemment. Donc... Peut-être va le voir dès maintenant. Je fais un petit virage, petite question quand même que je voulais vous poser, puisque L'innocent et Femme au balcon sont des films que vous avez réalisés, écrits et interprétés. Est-ce que vous trouvez que ces métiers se nourrissent les uns les autres? Moi qui ne suis que réalisateur, je suis toujours fasciné par les gens qui font bah, et comme. Bah je joue bah, pas. Bah t'es écrit. Et oui, j'écris. Non mais je veux dire, sur les gens qui font mais si et Paul, jouer. Tu joues? C'est vrai que je joue un peu dans After Sun. Non mais pour les gens qui sont et comédiens et metteurs en scène, auteurs, je suis toujours fasciné de réussir à faire tout. Je voulais savoir si c'était des métiers qui s'influençaient. Est-ce que, par exemple, la façon dont on vous a dirigé vous a influencé dans votre façon de diriger derrière en disant ah ça j'aimais bien quand on me faisait ça. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah Louis déjà, sa manière de diriger les acteurs, ou même de mettre en scène, parce que ça rentre dans la mise en scène. Oui, justement, de ce truc de pas avoir vraiment de pas avoir peur du ridicule et de tester des de se tromper, de se tromper, d'aller trop loin, d'en faire vraiment des caisses, d'aller vraiment dans tirer les, enfin comment dire ça. Oui, pousser les petards pousser un peu. À ouais. Parce qu'en plus, il y a le montage. Et en plus, vos deux films, L'innocent et les femmes au balcon, vous avez c'est des mélanges de genres aussi. Je te fais des compliments aussi, quand même. Je me rattrape comme tu veux. Non, mais par exemple, tu vois, Arnaud Desplechin, avec qui j'ai travaillé, lui, par exemple, sa manière de découper une séquence, je me suis dit, putain, moi, j'ai génial. Sa manière de bouger dans l'espace au fur et à mesure avec les acteurs plutôt que de s'enfermer dans un. Tu vois, dans un coin de la pièce et de rester 3-4 heures durant, lui, il bouge énorme. Lui, j'ai pu... c'était ça la question. C'est ça. Ouais, exactement. Ça. Mais parfois aussi, tu peux la façon dont on te dirige, ça peut te faire dire « Ah, bah, je ferais pas ça quand moi je dirigerais parce vraiment, que c'est horrible. » Ah, vraiment, ouais. Ça, vraiment. Mais en fait, plus t'avances... Enfin, moi, je sais que j'ai compris qu'il faut mieux vaut une phrase simple et bête, mais qui... est vraiment utile plutôt que vraiment un monologue qui ne sert à rien à l'acteur. Tu vois, genre un jour un metteur en scène m'a dit, je dirais pas qui, Pas de soucis. En antenne, tu le diras quand même. Non, mais il m'a dit, j'ai envie que la scène paraisse naturelle. J'aurais jamais imaginé que ce truc hors plateau soit intelligent. En fait, c'était super clair. J'ai dit, ah oui, tu veux que ça a l'air naturel. C'était super. Ah ouais. Ça a l'air con comme. Bah oui, comme c'est vrai, on dirait. En fait, c'est... pour un acteur, enfin, quand t'es acteur, un truc aussi simple, ça te fait comprendre, ça t'ouvre plus de la compréhension que. J'ai eu des metteurs en scène qui parlaient énormément, ils disaient des trucs. À la fin, t'as plus envie de jouer, évidemment. Puis il y a la popote interne de l'acteur. Enfin, moi, j'ai pas dirigé beaucoup de comédiens, mais dans le film que j'ai fait, je me remarquais que le moindre truc, de toute façon, le comédien part sur complètement autre chose. Enfin, moi, j'aime bien que les comédiens proposent des choses complètement différentes. En fait, peu de mots servent à avoir une prise des fois totalement différente, j'ai l'impression. J'ai arrêté de t'écouter à la popote. Ouais, je comprends. La comédienne que j'ai dirigée aussi, elle m'a giflé après popote. Continuons mon jeu. Pour faire passer de la weed à la frontière mexicaine, une photographe de guerre se fait passer pour une daronne en vacances et entraîne avec elle ses voisins, qu'elle fait passer pour Paul et Nouche Éluard, pardon. C'est un mélange d'un film à moi et d'un film à Louis ? Non, d'un film à toi, en l'occurrence, et d'un autre film. Attends, redis. La weed à la frontière mexicaine. Pour faire passer de la weed à la frontière mexicaine, une photographe de guerre se fait passer pour une daronne en vacances et entraîne avec elle ses voisins, qu'elle fait passer pour Paul et Nouche Éluard. Paul et Nouche Éluard. Alors, il y a Lee et il y a un autre film que je... Ouais. Attends, t'as ton film, ce qui est déjà bien. Il y a quelqu'un vraiment qui a réalisé un film qui raconte comment on fait passer de la weed... Attends, c'est quoi le film du coup pour la fille de Paul Éluard. Alors non, Paul Éluard, c'est le film dans lequel joue Noémie. Tu vois, toi aussi, t'as pas vu tous mes films. Moi, j'ai eu la malchance de tomber sur des films que j'avais pas. Lee Miller. De quand Miller. C'est Lee Miller, le film. Lee Miller. Et qui fait passer de la Mais elle fait passer de la weed. Non, ça, c'est l'autre film. Mais Lee Miller, en fait, peut passer de la weed. Mais pourquoi Paul Éluard? Parce que c'est dans le film, dans Lee Miller, il y a le couple Éluard. Et moi, je joue Nouche Éluard. Attends, Lee Miller. Mais attends. C'est un film de gangster, quoi, l'autre. Alors, c'est plutôt une comédie américaine. Very Bad Trip, non. Non, mais on est dans un petit peu dans cette ambiance. Un petit peu dans Very Bad Trip. Oui, non, c'est pas Pineapple Express. Non. Avec Jason Sudeikis. Je pensais que tu l'avais, celui-là, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ah, mais si. Oh, putain. Je vais vous le donner. Attends, c'est... Ouais, non, bon, vas-y, on s'en fout. Lee Miller, une famille en herbe. Oui, le film s'appelle Lee Miller, une famille en herbe. Ouais, joli. Eh ben oui, eh ben oui. Pas vu, ça, Lee Miller, une famille en herbe, c'est bien ? J'ai pas vu. C'est rigolo. J'ai pas vu. C'est rigolo. La vie d'une chef d'orchestre réputée va se désagréger en l'espace de quelques semaines lorsqu'elle doit retrouver le collier de la reine d'Anne d'Autriche afin d'éviter une guerre entre la France et l'Angleterre. Ah, les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires. Wow. Pas mal, j'acceptais aussi les trois mousquetaires. D'Artagnan. Ça fonctionnait. Et enfin, j'en ai encore deux. Après, je vous laisse tranquille. Un jeune homme est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Tous les membres du jury l'estiment coupable, tous sauf un, Jean-Luc Godard, bien décidé à les convaincre un par un. Il est un poil tiré par les cheveux. Alors, attends. Bah, oui, ton film où tu joues Godard. Oui, oui, bah oui. Il est dépité. C'est affligeant. Mais c'est mon. Enfin, mais qu'est-ce qui nous unit, attends, à part ce mépris froid et... J'ai oublié le qu'est-ce titre. Qu'est-ce qui de nous unit sera malheureusement le titre de l'épisode. Attends. Qu'est-ce qui nous unit? Quel est le titre de ce film? Le redoutable. Le redoutable, et c'est quoi l'autre? Attends, 12 hommes en colère redoutable. Le redouze homme en colère table. Non, bon, allez. Bah oui, bah attends, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai bien senti que j'arrivais vers la fin. Ça n'a aucun sens. 12 hommes en colère redoutable. Table. Non, non, ça c'est ce que j'ai dit. Le redouze. Non, mais très bonne réponse, Adrien. Ouais, quoi qu'il arrive. 12 hommes en colère redoutable. 12 hommes en colère. Non, redouze hommes en colère. Mais attends, le redouze. Redouze. Ouais, redouze. Ah, redouze. Oh, waouh. Eh ben oui. Ok. Oui. C'est terrible. Bah, je suis pas Bernard Mabille. Excuse-moi, Louis. Pardon, je fais ce que je peux. Pareil, petite question sur le côté. Question pour Louis, mais ça marche aussi pour Noémie. Attends, ferme les yeux parce qu'en fait. Vas-y. Eh, c'est merde. Non mais chuchote. C'est au sujet de jouer des gens qui ont existé, parce que t'en as fait pas mal, Louis, en regardant ta filmographie, je me suis rendu compte de ça. Est-ce qu'on aborde différemment un rôle de quelqu'un qui a existé? Et tu peux laisser. Attendez, il fait une petite sieste. C'est l'heure qu'il lève. Ouais. Il fait beau. Pourquoi tu me poses des questions compliquées? Non mais attends. Je peux repartir sur un jeu de mots. Attention. Hein. Tu peux. En fait, tu peux te dire. Par exemple, quand je faisais Patrice Chéreau. Ouais. Il était mort déjà, mais quand même, je me dis, il y a tellement de gens qui le connaissent. Que tu penses à eux quand tu fais le film, bizarrement. Ouais. Parce qu'en fait, même quand tu fais Louis XIII, t'es aussi impliqué, enfin, tu te dis, j'ai une responsabilité parce qu'il a existé. En fait, je peux pas faire n'importe même si quoi. C'est dans une fiction. Même si c'est dans une fiction et même si c'est loin. Mais c'est vrai, on peut pas nier le fait que quand les gens le connaissent, Patrick Chéreau, je veux dire, je connais Richard Peduzzi, son scénographe, je pensais quand même le film va être vu par Richard. Et je vais à un moment donné croiser Richard dans la rue, et s'il n'a pas aimé le film, ça va être chaud. Ouais. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Si donc c'est différent. Ouais. Ensuite, mais non, c'est vrai que quand un personnage est inspiré de quelqu'un qui a existé, c'est une petite pression supplémentaire. Au sens d'un truc d'éthique, tu dis, je peux... Enfin, même mais Antoine surtout si c'est quelqu'un qui savait comment était... Patrick Chéreau, je suis pas sûr que beaucoup de gens savent comment il était. Non, mais c'est pas, en fait, c'est même pas en termes de... C'est même pas en termes de, ah, il va dire que je lui ressemble ou que je lui ressemble pas. Mais t'essaies d'attraper un esprit pour pas, en fait, pour pas trahir quelqu'un qui a vraiment existé. Surtout que ça se mélange à la vision du metteur en scène, j'ai l'impression. Enfin, Godard, par exemple, c'est vraiment... Ouais. Godard dans Le Redoutable, c'est pas... C'était plus une BD. C'était une bande dessinée. Mais même un peu Syntexte, je trouve, pour avoir vu le film. Syntexte, que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. C'est vrai? L'étonateur. Ouais, je trouve ça super cool. Ah ouais, vraiment, vraiment bien. Ça me fait plaisir. Surtout que j'avais vu l'histoire différemment dans une attraction du Futuroscope, et bah c'est mieux, dis-toi, que l'attraction du Futuroscope. Mais attends, je crois que c'était Jean-Jacques Hanou. C'était Jean-Jacques Hanou, non, mais ce qui était très propre. Mais je trouve qu'il y a une poésie qui est super belle dans Syntexte. Et je trouve qu'il y a ça aussi sur le personnage. Il m'a dit surtout, je veux pas que tu lui ressembles, ce qui a écarté le genre biopic. Ouais. Et ensuite, il m'a dit, il faut essayer de faire l'état d'esprit de cet homme qui quand même vivait avec un phoque, tu vois, dans sa baignoire et tout. Il était vraiment spé, Antoine Saint-Exupéry. Donc on s'est dit, on va pas s'amuser à faire une calvitie ou tu vois qu'il avait. On a dit, on va faire l'état d'esprit de Saint-Exupéry sur 3 ans parce que c'est la Patagonie et c'est pas toute sa vie, quoi. Oui, c'est ça. C'est la poésie un peu qu'il y a des fois dans ce qu'il a écrit. Au service de sa propre vie, je trouvais ça super joli. Mais bizarrement, tu vois, par exemple, je reviens à Louis XIII, pardon. En fait, avant de jouer dans Les Trois Mousquetaires, j'ai lu une biographie de Louis XIII et je me suis rendu compte que sa vie avait été une cascade de tragédies. Ouais. Son père meurt quand il a 8 ans, il est orphelin. Sa mère préfère son petit frère essaie de le tuer. Lui tue le premier ministre de sa mère. Donc, c'est pas son ami du coup. Non, fraternité pas géniale. Ouais. Ils sont pas. Oui, vas-y, ils sont. Référence au début de. Exact. Il est fort, il a fait un petit callback. Non, et du coup, en fait, quand tu le joues. En fait, c'est comme quand t'as des documents sur un personnage, c'est plus facile bizarrement. Parce que quand t'as un personnage qui n'existe, qui n'a jamais existé, qui sort juste de la tête du metteur en scène, c'est plus difficile de le faire vraiment exister. Tu vois, mine de rien, quand t'as quelqu'un qui a vraiment existé, t'as des documents. Ça serait ça la bonne réponse à te donner. Elle est trop bien. Moi, je l'ai adoré. Si je devais donner une note à cette réponse, c'est un bon 8 sur 10. Hein. Merci. Donc vraiment, elle est top. Tu peux reprendre les 10 balles, je sais pas où est-ce qu'il s'est passé. Ouais, il les a repris d'ailleurs. Ray Ferrier est un docker divorcé qui n'entretient que des relations épisodiques avec ses deux enfants. Quelques minutes après que son ex-femme lui ait confié la garde des gosses, un puissant orage éclate, la terre se fend, laissant apparaître un énorme chat glouton, transformant la race humaine en d'excellentes lasagnes. Waouh. Ah, attends. Non, bah non. Je suis perdu là. Attends, genre, un chat glouton. Bah attends. C'est pas le film le plus connu de la filmo d'un de vous deux. Ouais, alors moi j'en ai un. Vas-y. Bah Garfield. Eh oui. Mais. Mais du coup, l'autre, je suis navré. Ah, mais Garfield, c'est un film de Louis. Bah c'est vrai. Quoi? Garfield. Ah oui, tu fais une voix dans Garfield. Non. Pardon. Pourquoi? Pardon, Louis. Ah bah, il écrit sur internet que tu fais une voix dans Garfield. Attends, du coup, c'est Noémie qui t'a aidé à faire la filmographie. Attends, si, il fait une voix dans Garfield. Attends, j'avais fait ça. Mec, je t'explique. C'est hilarant. Mais je suis content qu'on débunk. Tu sais quoi, je suis content Garfield, qu'on débunk. Alors, je fais en fait une voix dans L'île aux chiens. Oui, ça, oui. Je fais la voix d'un chien. Non, mais Garfield, c'est un chat. Non, mais j'ai pas confondu L'île aux chiens de Wes Anderson. Et on sait qu'on est team chien ici. Non, c'est non. Bon. Y a pas de... Ok, écoute, si tu me trouves sur IMDB que je fais une voix dans Garfield. Roland dans Garfield. Roland dans Garfield, ça te dit rien? Fais voir. Attends, mais attends. Si c'est sur IMDB, je te donne 200 euros. Ah ouais? Ok. D'accord. Avec la retenue à la source, ça fait 170. Vas-y. Ok. J'ai un film au César, n'hésite pas à voter pour lui. Si t'as bon, tu me votes pour moi au César. Yes. Ok, vas-y. Alors, Garfield. Il est le roi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ah ouais, mais du coup, c'est. Oui, mais non, mais IMDB, c'est anglais. Moi, je te parle en voix française. C'est Wikipédia. Sur Wikipédia, il y a écrit que tu fais la voix Y a un mec qui me veut du mal. C'est fou, ce truc. Roland dans Garfield, apparemment. Sur Wikipédia. Super marrant. Bon, en même temps, je le laisse. Je vérifie sur Allociné, je suis désolé, mais. Non, mais tu vois, pour tous les journalistes qui préparent leurs émissions sur Louis, il est pas dans Garfield, alors, malgré la rumeur. Et il n'est pas dans Mon Roi. Je ne suis pas Melville Poupeau. Hein. Tu le sais ou pas? Hop là, pardon. Non, mais regarde, sur Allociné, acteur de doublage, regarde, il y a ton visage, Louis Garrel, dans le rôle de Roland. C'est extraordinaire. Je suis désolé de te l'apprendre. Bon, bah vas-y. Bah voilà. Donc t'es dans Garfield. Non, j'ai jamais fait ça. Garfield héros malgré lui, du coup. Oui, voilà, Garfield héros malgré lui. C'est dessus, ok. Tu as halluciné. Ils ont peut-être utilisé vraiment ta voix et. En IA, tu peux prendre la voix de quelqu'un. Oui, oui. Ça veut dire des royalties gratos. Et la tunasse à la fin de l'année, les petites étrennes, oui. Chers amis, c'est bientôt la fin de l'émission. Attends. Garfield. On l'a pas trouvé, du coup. C'était la Garfield des mondes. À la guerre des mondes, à un moment donné, je me suis dit peut-être ça. Et bah, c'était la Garfield des mondes, l'autre que tu vois. Petite recommandation culturelle, ça va aller très vite. S'il y a quelque chose que vous avez apprécié récemment, alors c'est pas forcément un truc récent, c'est plutôt un truc que vous avez apprécié récemment. Donc ça peut être un film, une série, une pièce de théâtre, un livre peut-être, quelque chose. Vous pouvez le partager avec nous. Peut-être Adrien, tu peux commencer, c'est pour que nos invités cherchent un petit peu dans leur mémoire. Oui. Je vais très rapidement recommander le podcast Mousecast de Mehdi Maizi et Ngiran Fall. Ça parle pas mal souvent de rap. Ouais. Tu pourras écouter puisque t'en es féru. Ouais. Roland. Roland Garfield que t'es. Non mais c'est aussi parfois ça parle de cinéma, ça parle de plein de trucs. C'est très comme nous, ils nous ont copié tout simplement. Non, mais beaucoup de discussions et tout. Ils font parfois généralement ils ont un invité, mais ils font aussi des épisodes où ils sont tous les deux. Et voilà, ça a repris. Ça, ils avaient fait ça à une époque, ça s'était arrêté. Là, ça reprend. Non, c'est français. C'est Mehdi Maizi, un des plus grands journalistes rap français. Okay. Voilà. Également un frérot. Un frérot. Et voilà, je l'écoute avec grand plaisir. Et Très bien. C'est ma recommandation. Sublime. Noémie. Oui. Quelque chose que tu as apprécié récemment, que ce soit pas la filmographie de Louis visiblement, mais je peux passer à Louis d'abord si tu veux un peu de temps pour chercher encore. Non, je sais. Tu t'intéresses aux autres? Tu vas voir des. J'avoue, je lis pas, je regarde pas les films de mes amis. Plus de gaming. Le gaming. Louis, tu as quelque chose peut-être? Non, je veux d'abord qu'elle réponde à la question. Aide-moi à tenir le conducteur. Il y a une super expo là, l'intime, comment ça s'appelle l'intime Louvre. Vraiment, expo, c'est au Louvre. Regarde, c'est ouais. Ouais. Exposition l'intime, au Louvre. L'intime. En fait, j'ai pas de mémoire. Non, mais attends, il y a un problème. Pour une actrice, c'est pour quand même. L'intime de la chambre aux réseaux sociaux, voilà. Du 15 octobre au 30 mars 2020. Je vous le conseille. Ouais, de la chambre, l'intime de la chambre aux réseaux sociaux. Ah oui, j'ai vu l'entrée. Je vous conseille fortement cette exposition qui est super. Super. T'as avec ça. J'ai l'impression que Mugarel a un petit son à nous proposer. J'ai envie de faire ma recommandation au son de Fianso. Oh, waouh. Eh bien écoutez, je vais conseiller à tous vos auditeurs d'aller voir le film de Julien Colonna, Le Royaume. Ok. Vicomène dans tous vos plus beaux cinémas de quartier. Premier film de Julien Colonna, magnifique. En Corse, qui se passe en Corse. Extraordinaire. En deux secondes, peut-être dire ce que c'est très rapidement. Alors c'est la vie d'une jeune fille de 14 ans qui habite en Corse et qui se trouve être la fille d'un type qui est dans la mafia. Okay. Et moi, alors d'habitude, je suis pas très fan de raconter des trucs de mafieux, de les humaniser, mais c'est vraiment très très beau. Parce que, enfin, pas de les humaniser, ça veut rien dire ce que je dis, mais là, c'est très beau parce qu'en fait, on a de la tendresse pour son père parce qu'on le voit à travers ses yeux à elle. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Le film, il m'a beaucoup beaucoup troublé. Trop bien. Voilà. Le Royaume. Le Royaume de Julien Colonna. Voilà. Mais attendez, on dit ça, mais il y a deux films à aller voir également. Bien sûr. Est-ce que Fianso peut arrêter de chanter? Je t'en supplie. Non. Non. Dans toutes les bonnes émissions de radio, et c'est pour ça que je le fais, il n'y a pas de budget ici, et ben c'est moi qui suis au platine. Parle-moi de Syntex avec Fianso. DJ Garman, j'ai envie de dire. Les femmes au balcon, réalisé par Noémie Merlant. Allez-y, évidemment. J'ai oublié de faire la recommandation d'aller voir le film de Noémie, que j'ai adoré. Surtout, elle a oublié aussi de recommander le film. C'est coécrit par Noémie Merlant et Céline Sciamma. Oui, c'est un film féministe et social qui aborde des sujets pas simples, mais via la comédie horrifique. Et ça, je veux le rappeler parce que vraiment, moi, devant le film, j'ai été tendu, mais j'ai aussi beaucoup rigolé sur des sujets pas légers, mais quand même, c'est fait avec tellement de sincérité et de maestria, je dois dire. Donc vraiment, bravo pour ce film que j'ai adoré. Au casting, il y a aussi Sanda Kodreanu, je l'ai mieux fait. Parfait. Souhaïla Yacoub. Oh, le bébé. Lucas Bravo, et c'est au cinéma le 11 décembre. Et dans un autre genre, il y a une scène dans le film de Noémie qui est extraordinaire. Louis fait partie des premiers à avoir vu mon film. Enfin, même le premier à avoir vu mon film. Avec Monténèse et Noémie. Elle est magnifique, la scène. Elle dure 10 minutes et je pense que chaque garçon, la regardant, se dit « Je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris. » Je vois très bien la scène. Ouais. Non, c'est un film Ça veut toujours un peu rien dire, film important, mais vraiment, allez le voir, c'est tu couperas ça au montage, j'ai pas envie de dire du bien du film. Et Louis Garrel dans Syntex de l'aventure, un voyage initiatique sur une légende française. Les avions, le petit prince, pas mal. C'est réalisé par Pablo Aguero. Il y a aussi au casting Bian Kruger et Vincent Cassel, c'est aussi là le 11 décembre, donc voilà une petite carte illimitée, vous allez voir les deux. En même temps. Mais oui, face à et face. Puis, Garfield et Romain Grey. Lui aussi quand même. En VOD, hein, si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'était super. Ouais, merci. C'était super. On merci. Espère vous revoir à l'occasion. Merci encore. Avec au revoir tout le monde. Au revoir. Salut Chanso. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.